Chapitre 252. Quelques questions se rapportant aux invocations. 1496. Selon Usama ibn Zayd, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque dit qu'Allah te récompense, jazakallahu khayran, à celui qui a agi en bien avec lui, l'aura amplement remercié. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». 1497. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « N'appelez pas le malheur sur vous-même, sur vos enfants ou vos biens, de crainte que vos invocations ne coïncident avec un moment où elles sont exaucées par Allah. » Muslim. 1498. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'adorateur n'est jamais aussi proche de son Seigneur qu'en prosternation. Multipliez-y donc les invocations. » Muslim. 1499. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Chacun de vous est exaucé dans ses invocations, tant qu'il ne s'impatiente pas en se disant, par exemple, « J'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, les invocations du serviteur d'Allah sont toujours exaucées, tant qu'il ne demande pas de commettre un péché, de rompre les liens du sang et tant qu'il ne s'impatiente pas. On demanda « Ô messager d'Allah, de quelle manière s'impatiente-t-il » Il répondit alayhi salatu wassalam en se disant « J'ai invoqué et encore invoqué Allah, mais je n'ai pas été exaucé. » Il se lasse alors et délaisse ses invocations. 1500. Selon Abu Umama, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut interrogé. À quel moment les invocations sont le plus à même d'être exaucées? Il répondit, alayhi salatu wassalam, dans les dernières heures de la nuit et juste après les prières obligatoires. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1501. D'après Ubad ibn Samit, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'est pas à la surface de la terre un musulman qui n'invoque Allah sans qu'Allah Ta'ala ne l'exauce ou ne lui épargne un mal identique, et ceci tant qu'il ne s'agit pas d'un péché ou de la rupture des liens du sang. » Un homme dit « Il faut alors multiplier les invocations. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit « Allah est bien plus généreux que cela. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih ». Al-Hakim rapporte également ce hadith d'après Abu Sa'id en ajoutant « ou lui réserve une récompense identique pour le jour de la résurrection. » 1502. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans les moments d'affliction, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait « Il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, le très grand, le clément. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, Seigneur du trône immense. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur du noble trône. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsh al-karim. » Al-Bukhari et Muslim. 1503.